Selon le journal internet sud-coréen La Voix du Peuple, un meeting à la bougie pour demander la libération des détenus consciencieux a eu lieu le 8 juillet à la place Gwanghwamun à Séoul, sous les auspices du Comité pour la promotion de libération des prisonniers de conscience. Y ont pris part plus de 2000 citadins de différentes couches. Le même jour, simultanément avec le meeting, on a livré une campagne de collecte de signatures et une manifestation pour la mise en liberté des détenus consciencieux aux alentours de la Maison de la Culture de Saison.